بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت اللجنة الدائمة. Donc, cette question elle a été posée au comité permanent de Al-Ifta, des grands savants en Arabie Saoudite. Rahimahumullah wa waffaqahum. Sa'ilatun taqul ma hukm tashbih al-atfal bil malaika. Donc, une sœur a posé cette question concernant le fait de comparer Al-Atfal à des malaïka, à des anges. وهذا صار كثيرا أن البعض تأثروا بأقوال الكفار. Et on peut citer un exemple, maintenant quand un enfant il meurt, tu trouves بعض المسلمين ils disent أنه ملك من الملائكة, كأنه c'est un ange parmi les anges. Et pardon, ils le disent clairement, c'est un ملك. Ils le disent même en français, c'est un petit ange qui vient de mourir. Est-ce que هذا c'est permis? الجواب لا يجوز. هذا c'est interdit. هذا خطأ فاحش يقع فيه الناس ولا عبرة باحتجاجهم. Donc ça c'est une faute grave. Beaucoup de gens ils tombent dans cette faute. لماذا؟ لأنهم ils ne pèsent pas leurs mots. Et كذلك ils ont un problème niveau علم. Ça vient de l'ignorance. وإلا فcet enfant c'est un être humain. On peut pas le comparer à un ange. Les anges ils ont été créés à partir de lumière et les êtres humains, ils ont été créés à partir d'argile, à partir de turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Awalan, ce n'est pas permis. Et kadalik, il n'y a aucune faïda. C'est un être humain. Ne pas le comparer aux anges. Awadhum, pourquoi ils font cette comparaison? Qalu, wa la ibra bi ihtijajihim bi annahum yaqsidun anna al-atfal la yudnibun. C'est pour ça qu'ils font cette comparaison. Il y en a cet enfant qui est mort en bas âge, un an, deux ans, trois ans. Il n'a pas commis de péché. Et Al-Qalam, il était marfou'an. Les anges, ils n'inscrivent pas ce que les enfants ils font tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté. Donc pour eux, vu qu'ils n'ont pas fait de péché, donc ils les comparent à des anges. Il y en a les anges, ils ne font pas de péché. فَقَالُوا وَلَا عِبْرَ بِإِحْتِجَاجِهِمْ بِأَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ الْأَطْفَالِ أَنَّ الْأَطْفَالِ لَا يُدْنِبُونَ مِتْلَ الْمَلَائِكَ. Cette hujja, elle n'est pas authentique. لِمَاذَا لِأَنَّا on les compare pas. Pourquoi? Parce que Al-Malaika, c'est des créatures qui ont été créées à partir de lumière. Et les êtres humains, c'est des êtres humains. Donc, on n'a pas comparé un être humain avec un ange. Ou avec autre chose. Un être humain, c'est un être humain. Enfin, on doit peser nos mots. Dans ce cas-là, quand un enfant, il meurt, pardon, ils disent des choses qu'un homme pour se rassurer. Kathir min al-Nas, ils disent, c'est un petit ange, on a perdu un ange, min hadal kalam. On n'a pas besoin de hal. Là. On fait dua pour lui, et si on parle, on dit on a perdu un enfant, alhamdoulilah. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdi al-jami'. La référence, fatawa al-lajna al-da'ima. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdoulilah rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.